Chapitre 4e. L'éléphant sous Bala. En attendant qu'il leur convînt de se procurer de nouveaux filets et de reprendre leur ancienne profession, les deux pêcheurs rôdaient sur la plage. Cette vie paresseuse et oisive ennuyait Tirupati, le plus jeune des deux frères, mais il n'osait rien dire, de peur d'irriter Tirubala, qui lui reprochait souvent d'avoir perdu une magnifique occasion d'extorquer de l'argent au Nakoda. Il ne manquait pas de répandre partout que l'arabe Yusuf Ali, du Bagaro Fata Erroman, après avoir cherché à couler leur pirogue en pleine mer, avait voulu les assassiner aux portes de la ville. Aussi, là où passait le Nakoda, on se rangeait devant lui avec un respectueux empressement. Il inspirait à la population du port et des bazars une profonde terreur. Peu importait à l'arabe ce qu'on disait ou pensait de lui, deux idées l'absorbaient uniquement: s'assurer la possession de Malika et terminer au plus vite sa cargaison pour retourner à Mascate. Chaque jour, à la même heure, il se rendait par des chemins détournés au jardin de la jeune hindoue. Tantôt il déposait furtivement à ses pieds de nouveaux présents, tantôt il se montrait à peine et lui envoyait par-dessus la haie un gracieux salut. Ces mystérieuses apparitions et les libéralités du Nakoda faisaient sur l'esprit de la jeune fille une impression de plus en plus vive. Elles excitaient sa curiosité et tenaient son imagination en éveil. Malika se fatigua bien vite de jouer le rôle muet et inanimé de la statue au pied de laquelle le pèlerin place son offrande. Elle résolut de se montrer à l'étranger dans tout l'éclat des ornements qu'elle avait reçus de lui. L'écharpe transparente rayée de bandes rouges, dont elle enveloppa la partie supérieure de son corps, devait cacher aux regards indifférents ses parures trop belles pour l'humble fille d'un jardinier, et qui ne devait briller qu'aux yeux de celui-là seul qui la trouvait digne de les porter. Malika passa bien une heure à sa toilette. Posant sur sa tête une corbeille de fruits, elle s'avança rapidement à travers les bazars. C'était le matin. Le Nakoda venait d'arriver sur les bords du canal, où sont déposées les pièces de bois propres à la construction des navires. Ce canal, par lequel se déchargent dans la mer tous les petits cours d'eau qui sillonnent la ville d'Alep, est large et peu profond. 5 ou 6 éléphants, appartenant au Raja de Travancore, y sont employés journellement à retirer de l'eau. Où on les tient plongés pour les soustraire à l'action du soleil, les troncs d'arbres et les poutres qu'on a coupées dans les forêts de l'intérieur. Assis sous les cocotiers qui forment un mail charmant des deux côtés du canal, Yusuf assistait à l'extraction des pièces de bois choisies par lui. Voici comment s'opère ce travail. Chaque Mahou fait avancer à son tour l'éléphant qu'il dirige. L'animal reçoit des mains de son maître une grosse corde nouée en forme d'anneau et qu'il glisse sous les poutres. Par un mouvement de sa trompe, la forte bête donne un tour à la corde de manière à la serrer. Puis, marchant à reculons jusqu'à la berge du canal, elle tire sur le sable ses pesants fardeaux que 40 bras robustes pourraient à peine remuer. Cette première opération terminée, l'éléphant se retourne pour changer son point d'appui. Il marche en avant, soulève sa charge de côté en la soutenant sur son genou, la pousse d'un bout, puis de l'autre, et s'y prend de telle sorte que sans le secours d'une main humaine, il finit par former des tas de poutres parfaitement réguliers qui s'élèvent à de grandes hauteurs. Cette besogne est celle à laquelle on occupe les galériens sur nos ports de guerre. Aussi nos marins appellent-ils ces éléphants les forçats du Raja de Travancore. Le plus grand et le plus fort de ceux qui travaillaient ce jour-là sous les yeux du Nakoda Yusuf était Subala, le même qui, sous la conduite du Mahou Sherumal, lançait si dextrement des fleurs de cassis à la belle Malika. Quand son tour fut venu de descendre au canal, il s'avança majestueusement, pareil à une tour mouvante, agitant avec vivacité, à l'extrémité de sa trompe, le gros câble dont il se servait pour saisir son fardeau. « Là, là !» cria Sherumal en désignant du doigt une poutre énorme couverte de limon, et qu'un long séjour sous les eaux rendait plus pesante encore. « Prends cela, Subala !» L'éléphant passa docilement sa corde sous la poutre et se raidit sur ses 4 jambes pour la soulever. Après une tentative infructueuse, il regarda de côté son cornac comme s'il lui dit « Tu vois bien que c'est impossible !» Mais Sherumal ne se laissa point toucher par la muette supplication de l'animal. Il lui appliqua sur la nuque un violent coup de son crochet de fer. L'éléphant essaya une fois encore de soulever la pièce de bois qui semblait être liée à la vase par une chaîne invisible. Les veines de son cou se gonflaient comme des cordes près de se rompre. il s'inclinait en arrière pour augmenter sa force de tout le poids de son corps. « Courage, Subala !» dit Cherumal, tandis qu'il frappait à coups redoublés et à deux mains avec son crochet de fer. « Courage ! Oh, le plus brave, le plus puissant des éléphants qu'a nourri les forêts de Travancore !» Accroché par les talons au-dessus des épaules de la bête, il criait et s'évertuait de telle sorte que la foule s'amassait sur les deux rives du canal. Pendant quelques minutes, l'éléphant resta immobile dans l'eau où il était enfoncé jusqu'aux genoux, comme s'il se fût recueilli pour tenter un effort suprême. Le Maoucherumal respirait aussi, tout en répondant avec des gestes emphatiques aux voix multiples qui s'élevaient de la foule pour le conseiller. « Fais avancer la bête dans l'eau, elle aura plus de prise, » disait l'un. « Non, non, recule, au contraire, » disait l'autre. « Tu vois bien que la base est molle et que ses pieds glissent. » « Jamais il n'en viendra à bout, » interrompait un marchand de fruits qui déposait son panier sur le sable et se croisait les bras de l'air indifférent d'un homme qui se fait un passe-temps de l'embarras d'autrui. « Avec une bête comme celle-là, rien n'est impossible !» ajoutait d'une voix glapissante un mendiant dont la jambe monstrueuse était aussi grosse que celle de l'éléphant. « Si ce n'était mon mal qui me gêne, je prendrais la place de Cherumal et j'enlèverais cette poutre en une minute !» Tous ces discours importunaient le Mahou et excitaient son amour-propre. Il se remit à piquer son éléphant qui commençait à perdre patience. Le premier signe de mauvaise humeur qui échappa à l'animal fut un violent coup de pied au milieu du canal. Les spectateurs, couverts d'eau et de vases à 20 pas à la ronde, comprirent qu'il devenait prudent de s'éloigner. « Subala, Subala !» dit en tremblant de colère et de honte le Mahou Cherumal. « Me feras-tu un pareil affront devant tout le monde? N'es-tu plus le roi des éléphants? Qui t'a élevé? Qui t'a instruit depuis le jour où tu fus pris si jeune par les chasseurs du Raja ?»« Subala, encore un effort, et je te mènerai demain saluer la belle Malika. » Ces derniers mots, prononcés à voix basse dans l'oreille de l'éléphant, parurent agir sur le noble animal comme un talisman. Il donna une telle secousse à la poutre qu'il l'arracha du milieu de la vase, mais elle retomba aussitôt. Décidément, la tentative était au-dessus des forces de Subala. Furieux de sa défaite, l'éléphant leva sa trompe comme un athlète lèverait son poing prêt à frapper. Un rugissement rauque retentit dans son gosier et la foule eut peur. La colère s'emparait de la gigantesque bête. Elle retournait à l'état sauvage et menaçait de passer le premier accès de sa fureur sur le Mahou qui s'offrait à son instinct comme le symbole du travail forcé et de l'esclavage. Cherumal calculait toute la portée du péril. Son honneur, il y en a pour tous les genres de professions, son honneur de Mahou l'obligeait à tenter tout ce qui était humainement possible pour maîtriser le dangereux animal confié à ses soins. Au moment où le pauvre hindou, n'espérant presque plus rien de ses efforts, cherchait à force de cris et de coups à lui inspirer l'obéissance et la crainte, Subala parut se calmer. Ses mouvements devinrent moins brusques. Il secoua moins rudement le cornac accroché sur son cou. Enfin, sa trompe ne s'agita plus dans les airs comme une massue terrible. Une douce voix, qui résonna timidement à ses oreilles, acheva de l'apaiser. C'était celle de Malika. Attirée par la foule qui se pressait autour du canal, la jeune fille avait bien vite distingué le visage plus blanc de l'arabe au milieu des hindous à la peau noire. Eh, mon pauvre Cherumal, dit-elle au Mahou en s'approchant de lui. Tu avais donc bien maltraité Subala qu'il était tout en colère. Est-ce ma faute à moi? Répliqua Cherumal que la crainte, la joie et la confusion faisaient balbutier. Est-ce ma faute? Si ce nakoda se met en tête de vouloir arracher de l'eau des pièces de bois qui y séjournent depuis 50 ans parce qu'on n'en a jamais pu les en tirer? Il a le droit de choisir ce qu'il a le moyen de payer, répliqua Malika. Voyons, vas-tu pleurer comme une femme à la face de tous les habitants d'Alep? Il ne manquerait plus que cela pour te couvrir de honte après l'échec que tu viens d'essuyer et dont on parle déjà dans le bazar. Si je pleure, c'est de rage, répliqua vivement le Mahou. Puis il poussa de nouveau l'éléphant dans le canal. Le robuste animal souleva non sans peine la poutre qu'il avait déjà arrachée de son lit de vase. Reculant à pas lents et avec précaution, il la tira à moitié sur le rivage, la reprit encore, la traîna pied à pied et enfin la rangea de toute sa longueur à la place voulue. Tous ces mouvements, qui exigeaient autant de précision que d'intelligence, il les exécuta, pour ainsi dire, en mesure, sous la direction de Cherumal, dont le bâton pointu agissait sur lui comme le gouvernail sur le navire. Les spectateurs, revenus en masse autour de l'éléphant calmé, applaudirent par des cris et des battements de mains. Malika était restée quelques instants au milieu du cercle formé par les curieux. Elle se tenait immobile, sa corbeille de fruits sur la tête, dans l'attitude des belles images de granit qui décorent le portique des pagodes. Le vent fit flotter l'écharpe qui couvrait ses épaules et ses riches parures brillèrent comme l'éclair aux rayons du soleil. Youssouf, qui l'avait reconnu de loin, s'est élevé à son approche. Il la contemplait avec des regards qui l'auraient fait rougir si la joie d'être trouvée belle ne l'eût exaltée jusqu'à la folie. Cet accès de coquetterie ne dura qu'une minute. Honteuse à la pensée qu'elle se donnait en spectacle aux indifférents et craignant d'offenser l'étranger, dont les allures discrètes semblaient lui conseiller à elle-même plus de retenue, la jeune fille s'enfonça dans la foule. Elle s'y cacha, comme un astre disparaît derrière les nuages, pour nous servir d'une comparaison familière aux poètes de l'Inde. Pendant plusieurs jours, l'exploit de l'éléphant Soubala fut la nouvelle du bazar. On disait qu'une jeune fille avait ensorcelé la redoutable bête et son maou. Le fait est que Shirumal croyait tout de bon à la puissance magique de la belle Malika. « Elle m'accueille avec dédain, » pensait-il tristement, « et pourtant je ne puis m'empêcher de l'aimer. Quand je suis loin d'elle, j'ai mille choses à lui dire, et dès que je la vois, la parole me manque. Ce terrible animal qui m'a coûté tant de peine à dompter, elle s'en fait obéir d'un mot quand je n'en puis rien faire. Tout à l'heure, elle m'a sauvé d'un grand péril. Sans elle, Soubala me foulait aux pieds, et voilà que je l'ai laissé partir sans même l'avoir remercié. Oh, Malika! Les cunichans, les sorciers, de la côte ont enseigné les formules magiques par lesquelles l'on dompte les bêtes et l'on charme les hommes. » Plongé dans ses réflexions, Shirumal se retira à l'écart. Il conduisit son éléphant dans le bois de cocotiers où ses compagnons et lui avaient coutume de parquer leurs animaux et de leur donner à manger après le travail. Les autres maous se dirigèrent vers le caravansérail d'Alep. C'est un joli petit palais de bois, habité jadis par le Raja de Travancore et aujourd'hui fort délabré. On y remarque d'élégantes sculptures où les créations fantastiques de l'art indien s'encadrent dans des détails empruntés au style mauresque. Il est situé entre la plage et la ville, au milieu d'une aire spacieuse flanquée de beaux arbres. Du haut de la terrasse qui règne sur les ailes de l'édifice, les étrangers de passage à Alep s'amusent à voir parader les éléphants amenés par leur cornac. Ils leur jettent quelques païsas en récompense de leur gracieux salut, et comme ces largesses des voyageurs constituent les petits profits des maous, ceux-ci ne manquent jamais de paraître dans la cour du caravansérail. Shirumal s'y rendait aussi d'habitude, mais ce jour-là il n'était pas d'humeur à faire travailler Soubala en qualité de bête savante. Après l'avoir attaché par un pied de derrière à un gros palmier, il plaça devant lui un amas formidable de feuilles de cocotier, d'herbes fraîches, de tiges de bambou, et puis se coucha à l'ombre, moins pour dormir que pour rêver à son aise. Le cornac et l'éléphant se boudaient un peu. L'homme en voulait à la bête de sa désobéissance et de l'affront qu'elle lui avait attiré. La bête en voulait à l'homme de la trop difficile besogne qu'il lui avait imposée. Quand il eut dévoré sa pitance, équivalente à celle de 10 chevaux normands, Soubala fit la sieste à sa façon. Il se couvrit le dos, le cou et la tête de branches et d'herbes, afin de se garantir de la piqûre des mouches, et abaissa sa trompe. Immobile sur ses 4 pieds solides et rugueux comme des troncs d'arbres, on le prit pour une de ces cabanes grossières que se bâtissent les bûcherons dans les forêts.